As-tu pensé aux assiettes pour aller à la plage? Juliette, as-tu pensé aux serviettes pour aller à la plage? Car mon cœur a fait naufrage en regardant le paysage. Mon cœur a fait naufrage en regardant le paysage. Juliette, as-tu pensé aux serviettes pour aller à la plage? Juliette, as-tu pensé aux soviettes et aux filles de mon âge? Car mon cœur a fait naufrage en regardant le paysage. Mon cœur a fait naufrage en regardant le paysage.